discuter avec les deux autres rabatteurs. Et si tout va bien, on devrait voir du gibier. Bon, le rabatteur l'a fait. Et de deux.